Édition de novembre 2013. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission du podcast des éditions de l'avenir. Christian Martin au microphone. Que s'est-il passé au cours du dernier mois? Occupé par les activités saisonnières sans doute. Par exemple, le 19, on a fini de récolter ce qui restait encore dans le potager. Soit quelques zucchinis et les carottes. On ramasse les bâches et ce qui traîne encore sur le terrain. On termine de préparer les boîtes de petits bois, les allumes, comme dirait mon père, pour partir le feu dans le poêle. On racle des feuilles, et on racle des feuilles. Parlant du week-end du 18, 19 et 20 octobre dernier, mon roman jeunesse inédit, Rio du Refuge, dont je vous parlais le mois dernier, était en promotion pendant ces 3 jours. On pouvait donc se procurer gratuitement la version e-book. Il fait à nouveau l'objet d'une promotion, pas aussi radicale que celle du week-end mentionné, mais on peut tout de même l'acquérir pour 1,99$. La façon la plus simple pour l'acquérir est probablement de vous rendre sur la boutique Amazon de votre pays ou de votre région, par exemple sur Amazon.ca si vous habitez le Canada ou Amazon.fr si vous êtes en France. Bref, vous accédez à votre boutique Amazon et dans la fenêtre de recherche, vous saisissez le code ASIN du roman, soit B00EZ3W8SU. B00EZ3W8SU. Également en octobre, est paru, toujours chez Amazon, un recueil de nouvelles intitulé « Les chroniques de Petite Tête, l'Omnibus ». En voici la présentation. Cycle de nouvelles survolantes humoristiques se déroulant sur une planète lointaine colonisée par des humains. Le roi Tolet souffre d'une grave maladie, la TPS, tout pour des sous. Que feront les médecins de Petite Tête pour remédier à la situation? Les malais marins des brumes du lendemain de la veille sont en colère. On empoisonne leurs brumes. Téméraire prend la tête des marins. Ça va chauffer. Paquetner a inventé un engrais synthétique. L'invention semble à première vue géniale. Mais sera-t-elle sans conséquence? Sylvie est poursuivie par un dangereux vilebrequin. Comment s'en défaire? Maître Bergerac est aux prises avec les conséquences de l'engrais synthétique. Sur un ton humoristique, l'ensemble du recueil présente une critique sociale où l'environnement occupe une place prépondérante. Au fil des textes, on peut suivre les enjeux qui préoccupaient la société québécoise à l'époque de leur rédaction. Préoccupations encore d'actualité pour plusieurs d'entre elles. Pour l'acquérir ou pour plus de détails, rendez-vous, comme pour Rio du Refuge, sur votre boutique Amazon et saisissez le code suivant dans la fenêtre de recherche. B00FXYMJU2. Par ailleurs, en audio, je suis plutôt ralenti ces derniers temps. Mais j'ai tout de même reçu les avis et conseils de Gabriel pour ma performance dans le prochain épisode du PC Show avec Paul Courtemèche. Avec son aide, je ne pourrai que m'améliorer. J'ai à peu près terminé de monter le deuxième épisode des résumés des romans de la série Perry Rodden et ai commencé à scripter le troisième épisode. Également, j'ai travaillé sur les derniers enregistrements d'un petit projet solo dans le cadre des projets canadiens. Bon, assez placoté. Passons au contenu même de l'émission. Ce mois-ci, Aristide Filiatro nous propose une toute brève anecdote. Votre fille. Tirée de contes, anecdotes et récits canadiens d'Aristide Filiatro, les éditions de l'Avenir présentent Votre fille. Votre fille, Monsieur Desrosiers, comment est-elle de sa personne? Ben, monsieur, ma fille est belle puis elle est jolie aussi. Jean Seb nous parle aujourd'hui de toutes sortes de choses, dont des podcasts québécois. Ici Jean Seb et je vous souhaite la bienvenue pour la capsule nouveauté du podcast audio des éditions de l'Avenir. Bulletin qui vous informe sur les nouveautés francophones et, si possible, québécoises de l'univers audiophonique disponible sur le net. Alors voilà, j'ai reçu ma nouvelle pile pour mon lecteur audio. Bah, j'hésitais entre un lecteur neuf, continuer à utiliser celui de ma fille rousse qui préfère son aïe patente chose binouche truc. Mais malgré tout, mon Senza a beaucoup trop souffert, je crois bien, des derniers aléas de la précédente pile. Ce qui fait que maintenant, lorsque le lecteur arrête, je me dois à chaque fois de dévisser le couvercle pour débrancher et rebrancher la pile. Mais hier, j'ai découvert une technique peu orthodoxe qui consiste à taper mon lecteur sur une surface dure. Parfois, ça me permet d'éviter d'avoir à ouvrir le boîtier. En dépit, je traîne mon petit tournevis dans ma poche, mais au moins, j'ai récupéré les fonctions de Rockbox qui me manquaient tant. Soit la lecture à grande vitesse, effacer ou déplacer les fichiers que j'ai lus, et aussi maintenant mettre des signets sur les pistes audio afin de faire la rédaction de mes notes pour la chronique. En retournant sur le site de Rockbox, j'ai remarqué que le nombre de lecteurs entièrement supportés et qui sont encore vendus sur le marché est relativement limité. Alors, ça limite grandement mes choix de modèles, ce qui est tout de même une bonne chose, mais je me résigne doucement à une autre dépense pour Noël, un Sansa Fuse V2 qui devrait faire mon bonheur. Soit dit en passant, je suis preneur pour toute suggestion afin de résoudre mon problème ou toute autre suggestion de lecteur à acheter qui possède de base un firmware évolué ou encore mieux adapté à Rockbox. Bon, c'est pas tout ça. Colibacille, la nouvelle saga de l'inaudible est lancée. Ok, je suis vendu d'avance à tout ce que fait Walter Proof, alors je vous invite à écouter par vous-même et autant que possible de faire part de vos impressions. Ce point, en passant, est très important. Soyez des artisans du bonheur de ceux que vous écoutez. Commentez, remerciez, félicitez, critiquez, suggérez des choses. Laissez des étoiles sur iTunes en quantité. Vous n'êtes pas limité à un seul podcast. Tous ceux que vous trouvez intéressants, mettez des étoiles. Ça nous fait remonter dans les classements. Bref, communiquez votre bonheur comme vous voulez à ceux que vous écoutez, que ce soit des podcasts, des sagas, des lecteurs de livres audio, etc. Ne soyez pas gênés. Généralement, vous faites juste nous faire plaisir. Et parfois, à l'occasion, selon le cas, cela peut donner cours à l'échange de 2-3 emails. On s'envoie des fleurs de chaque côté. On apprend le temps d'un instant l'histoire qui nous relie à notre auditoire et ça nous donne des ailes. Sérieux, laissez des commentaires. Ça n'a pas besoin d'être long. Alors, à part de ça, qu'est-ce que j'ai écouté depuis la dernière fois? J'ai pas fait tellement de recherches, je vous avouerai. Mais parmi ce que j'ai écouté, j'ai porté attention au fait qu'il y a un mouvement qui s'installe actuellement du côté du Québec. C'est déjà très populaire aux États-Unis et en Europe. Je veux parler ici des communautés de podcasts. Par exemple, en Europe, grâce à Walter, j'ai connu FreePod. Alors, quelques podcasteurs se développent des liens communs ou des affinités quelconques et forment un regroupement sous une appellation commune. Mais au Québec, on commence à s'organiser aussi. Je crois que c'est un phénomène qui se produit quand le nombre de podcasts commence à atteindre une certaine masse critique. L'avantage certain que je trouve est que l'on découvre alors d'autres podcasts qu'on n'aurait pas eu l'idée de trouver. Parfois, les noms sont pas tellement instinctifs. Alors, l'avantage certain que je trouve ici, dans ce phénomène, on trouve un filon et 7 autres y sont greffés, dont 2 nous intéressent vraiment. Ben, c'est de l'auditoire qui s'ajoute, ça. C'est un pouvoir. Par exemple, plusieurs podcasts québécois parlent de RZOweb.com, officiellement lancé en octobre 2013, donc c'est très, très récent. RZO, c'est un réseau de divertissement et d'information francophone offrant des contenus web télé et audio très variés. Les émissions qui font partie de ce groupe-là, Rétro Nouveau, Le Dernier des podcasts, Les Mystérieux Étonnants, Boulevard Brutal, jamais écouté encore, ça va venir. La soirée du podcast, ceux qui aiment le hockey, on en parle. 3 bières, j'en ai parlé aussi, pas de problème, aussi. Fun regarder film, bon, c'est un petit frère de fun jouer jeu. Le Chac à boisson, j'ai pas écouté encore, ça s'en vient. Horreur Gamer, Mac Québec, j'en ai parlé aussi. L'épée légendaire, Québec numérique, la commission des geekers, il y en a d'autres. C'est toute une gang de personnes qui sont regroupées ensemble. Un autre dont j'ai entendu parler aussi, Radio H2O. Le réseau Radio H2O est diffusé sur les ondes AM, FM, satellite, sur le canal M et sur d'autres réseaux affiliés, sur iTunes et via un lien Internet à 128 kilobits. Radio H2O, ça rassemble encore une gang de moineaux. Il y a le H2O Show, qui m'ont permis justement de connaître ce groupe-là. Il y a EDDNP en direct de nulle part, que ça veut dire. Il y a le très comique Super Matozoïde. Il y a Propos sur le bonheur, très philosophique, c'est très agréable. 2 filles en liberté, j'en ai pas encore parlé. Ils sont super, ces 2 filles québécoises qui sont rendues aux États-Unis et ils parlent de plein de sujets pour les filles. Il y a plein d'autres shows aussi qui sont en archive. Il y a Anonymous Offline, Le Monde selon Néo, la capsule thématique de Néo de Québec, Au-delà de l'illusion, RAS, Réseau Anti-Spin. C'est des podcasts qui sont plus actuels, mais ils ont tellement fait du bon travail. Qu'est-ce que j'ai entendu d'autre aussi? Oh! Je vérifie mes notes, mais là, ça vient de faire... Dominique Sicotte. Prenez ce nom-là en note. Dominique avec un C, Sicotte, 2 T-E. Ce gars-là est une vedette montante au Québec. Il y a 2 podcasts actuellement. Ben, 3, mais il y en a un que c'est, vous allez voir. Il y a Passion Podcast, qui existe en 2 versions. Une version complète et une version express. C'est beaucoup inspiré des vedettes américaines de Daniel G. Lewis, Podcast Answer Man, etc. C'est un podcast qui est dédié à 100% au podcasting. Il va vous expliquer comment ça fonctionne, comment faire. Il vous explique tout ce qui est intéressant. Ce gars-là est une référence. Si vous voulez prendre un cours, vous connaissez rien au podcast, comment faire? Il va tout vous expliquer. Il y a un cours qu'il peut donner en 4 semaines. Il vous explique tout ce qu'il faut de A à Z. Quand vous avez terminé le cours, vous avez un podcast à vous. La première émission est déjà enregistrée. Elle est déjà distribuée sur iTunes. C'est fantastique. C'est un programme qui marche aux États-Unis et ça fonctionne ici aussi au Québec. Vous êtes en Europe, il n'y a pas de problème. Il est en français, il parle très bien français. J'ai discuté avec ce gars-là. C'est fantastique. Passion Podcast Express, c'est la même chose un peu que la version régulière, sauf que parfois, il veut passer des informations. Il a découvert un truc. Il a découvert une nouvelle façon d'utiliser Audacity. Il veut pas attendre la prochaine édition complète. Il va le passer immédiatement sur iTunes. Il est très proactif. L'autre podcast qu'il fait s'appelle « En affaires avec passion ». C'est une émission web, audio et vidéo où il partage des trucs, des astuces sur comment optimiser la croissance de votre entreprise en utilisant Internet et le podcasting. C'est encore une excellente source pour les podcasts. J'ai découvert ce gars-là en écoutant le stream avec Yann Theriault. Ils ont fait une très belle entrevue tous les deux et c'est du pur bonheur.

Blast dans le rôle du garde numéro 3, Déod, et Mario Fecto dans le rôle du garde numéro 4, Danil. Dans le prochain épisode, Les et Narchala échapperont-ils à leurs poursuivants? Ne manquez pas nos précédentes productions et celles en cours. Visitez l'aveniraudio.canalblog.com. L'histoire et les personnages appartiennent à leur auteur et sont protégés par copyright. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons et est une production 2010 des éditions de l'Avenir. Votre présentateur, Christian Martin. Merci de votre attention. À bientôt. Et voilà pour le cinquième épisode de l'Estrade, agent très spécial. Je rappelle une fois de plus que le roman duquel fut adapté cet audio-drama fut développé d'une nouvelle que vous retrouverez dans un recueil gratuitement disponible en e-book sur Feedbooks à fr.feedbooks.com/userbook/22046/. Le Progrès de l'Est nous parle de politique canadienne. Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 1, du samedi 25 août 1883. Page 4, colonne 2. Le chômage. Pour le Progrès de l'Est. Terrible époque que les vacances pour commencer un premier article politique dans le premier numéro d'un journal nouveau. Que dire, que raconter, tout ce qui constitue les rouages du gouvernement est en vacances. Nos ministres, nos députés ne songent qu'aux bains de mer, aux voyages d'égrément, c'est à peine si l'on aperçoit dans les coulisses l'ombre de la garde qui veille aux portes du Parlement. Si nous consultons les journaux, nous n'y trouvons que de pâles injures que les partis se jettent sans cesse à la tête, histoire de passer le temps. Les conservateurs sont divisés. Castor et Programmeux se déchirent à belles dents, oubliant l'adage « toute maison divisée contre elle-même périra ». Pendant ce temps, les libéraux comptent les coups que se portent leurs adversaires et étudie les points faibles de la place. Une aire d'animation pointe cependant à l'horizon. C'est l'élection Jacques Cartier. L'honorable Premier ministre va engager la lutte, espérons qu'il en sortira victorieux. Le Parti conservateur, quoi qu'on en dise, a rendu la province prospère et tant qu'il ne s'écartera pas de la voie qu'il a suivie, il méritera l'appui de tous les bons citoyens. Une question pour terminer. Qu'espèrent donc gagner les castors en faisant le jeu des libéraux et en s'associant avec eux pour renverser le cabinet de M. Mousseau? Qui gagneront-ils surtout du côté religieux, eux qui ont combattu leurs nouveaux alliés à outrance et les ont dénoncés comme des libres penseurs, des impies, etc.? Nous voulons bien croire que les libéraux de cette province sont dignes de leurs nouveaux amis, mais il nous semble qu'il est toujours mal de se servir de faux prétextes pour arriver au but. Il est vrai que les principes en jeu sont rares, la différence entre les deux parties se trouvant dans le mode d'administration de nos affaires publiques. Mais enfin, les castors ne sauraient se faire libéraux, et l'on sait fort bien que les libéraux ne se feront jamais conservateurs. Que chacun reste à son poste et soit fidèle à son drapeau, et le peuple pourra juger lequel des deux parties vaut le mieux. Les extraits du Progrès de l'Est sont diffusés avec la permission de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Comme annoncé, tout octobre fut consacré aux versions audio des nouvelles d'Edgar Poe dans le cadre des nouveautés audio hebdomadaires des éditions de l'Avenir. Après William Wilson, diffusé le 3, nous avons eu La chute de la maison Usher, interprétée et réalisée par Juliette le 10, Puissance de la parole, interprété et réalisé par Jean Seb le 17, Bérénice, interprété par Aldor et réalisé par moi le 24, et Le cœur révélateur, interprété par Églantine et réalisé par moi le 31 octobre. Pendant toute la journée d'automne, journée fuligineuse, sombre et muette,